Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de RFM. Vous allez écouter l'émission numéro 4 de l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette quatrième émission, nous avons l'honneur d'accueillir Dimitri Corias. Dimitri, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Vous avez travaillé dans les médias mainstream, télé, presse écrite, radio, et avez publié dernièrement un livre intitulé « La télévision malade du sionisme », paru aux éditions Contre-Culture. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais avant cela, chers auditeurs, sachez que vous avez été nombreux à réagir sur le sujet de la semaine dernière, les chemtrails. Apparemment, ce sujet divise. Dimitri, les chemtrails, ça vous parle ? Oui, j'ai vu un papier dessus passer sur le site, une brève, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je pense que c'est passionnant. Voilà, je pense que le mieux c'est d'abord de lire le livre de Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples, pour y voir déjà plus clair, ou sinon d'aller jeter un œil sur les reportages traitant du sujet et publiés sur le site d'Égalité et Réconciliation, par exemple le documentaire très instructif Bye Bye Blue Sky. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon complice Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Bonjour Dimitri. Bonjour Xavier. Alors aujourd'hui, nous allons d'abord traiter de l'actualité sous l'angle de la rentrée médiatique avec les commentaires éclairés de notre invité de la semaine. Puis, durant la demi-heure suivante, nous parlerons du livre de Dimitri Corias, La télévision malade du sionisme. Dimitri, on vous a préparé une actu aux petits oignons, pile poil dans vos sujets de prédilection. Vous êtes prêts ? Tout à fait. Première actualité, Vincent Bolloré. La rentrée médiatique, ce n'est pas l'éviction de Claire Chazal, non, c'est d'abord et avant tout ce feuilleton de l'été où on a vu le landerneau politico-médiatique se mettre en branle contre un homme, Vincent Bolloré. Xavier ? Oui, on a vu les médias se attaquer Vincent Bolloré avec un vocabulaire qu'il ferait passer pour un dictateur. Alors on dit qu'il met le groupe Canal+ à sa botte, on parle de purge à Canal+. Alors à Canal+, il est devenu premier actionnaire de Vivendi en 2012 et il préside le conseil de surveillance de Canal+ depuis un an. Et qu'est-ce qu'il a fait cet été ? Il a viré tout le monde. Il a viré tout le monde et à la direction de l'information de Canal+, il a commis le crime suprême, il a mis un catholique, Guillaume Zeller. Dimitri, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je ne comprends pas, c'est pas la télé que je connais. D'habitude, on ne met pas un catholique traditionnaliste à ce poste-là, ça doit être une erreur. Ou il faudrait faire une recherche sur le nom. Non, je plaisante évidemment. Les médias ont relevé qu'il était passé 7 fois sur Radio Courtoisie, qu'il avait écrit 3 billets sur Boulevard Voltaire. Oui, ça c'est lourd ça dans un CV, dans sa hotte médiatique, c'est quelque chose qui fait tache. Mais bon, visiblement, il doit être compétent s'il est à ce poste, et si Bolloré l'a choisi. C'est vrai que ça change un peu des HEC et autres hommes en gris habituels qu'il y avait à Canal+. Peut-être qu'il y a un vrai changement qui va arriver là, sait-on jamais. Vous avez connu Canal+ ? Un tout petit peu, oui, de l'intérieur. Suffisamment pour comprendre un peu comment ça marchait, même si j'étais pas au niveau de Antoine Decaune ou Michel Denisot. Mais quand on regarde la machinerie Canal+, on n'est pas étonné de tout ce qui s'y passe, et puis de toute la prédation qui est autour. Ce qu'a fait Bolloré, c'est juste la même chose quasiment 10 années après ou 12 années après que ce qu'a fait Messier. Il a mangé le gâteau qui n'était pas protégé, et maintenant il met ses hommes à lui, et on va voir ce que ça donne sur les programmes. Mais à mon avis, il n'y aura pas grand changement. Hein. La chaîne, même si les guignols s'en vont, elle restera toujours une chaîne plutôt bien pensante, pro-libérale et pas très subversive, au fond. Et quels sont les enjeux politiques de ces changements par rapport aux élections dans 2 ans ? Ah ben justement, on dit toujours en France que quand les élections approchent, il y a un jeu de chaises musicales dans tous les médias. C'est ce qui se passe. Là, on voit déjà Monsieur Drahi qui s'active et qui rachète la moitié de la planète média. Et puis Bolloré, qui est un très proche de Sarkozy, et qui met la main sur Canal+. Sachant déjà que le groupe Bouygues, lui, possédant TF1 et très proche de Sarkozy, on sent l'ombre de l'ancien perdant de 2012 approcher. Cela dit, c'est quand même l'esprit Canal qui est mort, avec le décès d'Alain Degreff avant les, avant les vacances, les remaniements qui se passent actuellement à Canal+, on va quand même pas se plaindre. Non, on va pas pleurer, surtout que l'esprit Canal est mort depuis même une bonne quinzaine d'années. Depuis Messier quasiment, même si c'est pas Messier qui a imprimé sa marque de fabrique de banquier libéral. Les Guignols sont aussi, tout le monde le sait en interne, une émission morte depuis longtemps, qui n'est restée à l'antenne que parce qu'il n'y avait pas de relève. Et c'est pour ça qu'à Canal+, ils ont essayé régulièrement, à chaque exercice, ils l'ont fait d'ailleurs avec beaucoup d'honnêteté et de moyens, de trouver une relève au Guignol, mais comme ils n'ont pas trouvé, ils ont essayé avec Virginie Efira, par exemple, un auteur des Guignols, mais ça s'est terminé dans une mare de sang, donc les Guignols sont restés faute de mieux. Et l'émission est morte de sa belle mort. Je ne sais pas s'il y a encore des gens aujourd'hui qui vont commenter les blagues, en plus dévitalisées, dépolitisées des Guignols, encryptées un soir de semaine seulement. On a du mal à imaginer Canal+ faire campagne pour Sarkozy. Il y a quand même des équipes qui sont en place et je pense que ce pauvre Guillaume Zeller va être confronté à chaque décision, à des levées de boucliers. Il va gouverner dans la tempête. Moi, je pense plutôt que les gens sont très soumis en télévision. Leur poste compte avant tout. Ils s'adaptent hein, en télévision. Je pense que si aujourd'hui le régime devenait chaviste ou hitlérien en France, ils s'adapteraient très bien. Ce sont des gens qui ont l'échine souple, l'épine dorsale. Idem, je ne vois pas de contradiction. En fait, cette chaîne a toujours été libérale, pas vraiment gauchiste, sinon sociétalement. Donc ce ne sera pas un grand choc pour les troupes. Les présentateurs soumis, on a quand même vu Cyril Hanouna qui a lancé un avertissement à Bolloré en défendant sa liberté. Il a dit en substance « Si demain l'actionnaire vient me dire ce que j'ai à faire, je quitte la boîte ». Oui, et il défend la liberté de tous les Français aussi. Il est d'un courage extrême, Cyril. Je pense très honnêtement et très sérieusement que s'il a dit ça, il a déjà dû prendre ses précautions et avoir des garanties de la part d'une nouvelle actionnaire. Ça, c'est, comme on dit, une manière de sauvegarder sa liberté devant le public qui n'est pas au fait de toutes ces transactions politico-secrètes. Oui, mais heureusement qu'il reste des intellectuels pour s'opposer au grand capital. Oui, c'est vrai que de ce côté-là, c'est un peu surprenant de la part de Cyril, mais je crois que la France compte sur lui pour tenir haut le drapeau de l'indépendance d'esprit, de l'humour de qualité et de la politique non alignée. Est-ce que vous diriez que le lobby catholique breton a pris le contrôle de Canal+? Oui, complètement. C'est d'ailleurs, je ne sais pas comment on va réagir au gouvernement. C'est un scandale et en même temps une provocation ultime. Je croyais le catholicisme mort et enterré. Et soudain, on voit surgir un breton sans biniou, c'est déjà ça, et qui met la main sur un groupe performant, de qualité, subversif, de gauche, parisien, c'est à n'y rien comprendre. Ah, vous le dites avec humour, mais ça contredit quand même un peu la thèse de votre livre. J'ai jamais dit que la télévision était possédée. Malade du sionisme. Oui, elle était possédée. Mais quand on regarde depuis 20 ans Canal+, il n'y a jamais eu d'attaque frontale du sionisme. Il y a toujours eu une adaptation aux idéaux du sionisme, ou en tout cas à sa structure conceptuelle. Et donc Canal+, est une chaîne très compatible. C'est l'histoire de la World Company. C'est Stallone qui incarne la World Company à Canal+. C'est-à-dire que c'est bien connu que les Siciliens bodybuildés ont tout le pouvoir sur Hollywood, sur Wall Street. Oui, comme vous le dites, Sicilien bodybuildé. D'ailleurs, je vais faire une recherche sur le nom, la généalogie de Stallone, pour voir un petit peu ce qu'on y trouve. Canal+, tout le monde le sait, a fait travailler ses auteurs. Une anecdote, quand on a été auteur en télévision et qu'on a approché, comme tous les auteurs, les Guignols ou la production de Canal+, on avait ordre de faire des vannes, par exemple, sur le pape. Il fallait faire des séries de vannes sur le pape, évidemment contre le pape. Donc ce sont des choses qu'on n'oublie pas, et on ne pouvait pas faire l'humour qu'on voulait. Alors on pouvait évidemment écrire des vannes, mais elles partaient à la poubelle. Par contre, on recevait des oukases comme « Trouve-nous des choses sur le pape, fais-nous des trucs sur le pape ». Et ça, bon voilà, aujourd'hui, peut-être que ça va changer, ça de ce côté-là. Quelle autre cible que le pape était prioritaire ? Le pape uniquement, et aussi Monsieur Ben Laden, mais avec un petit clin d'œil, et cet humour corrosif, raciste, qui ne dit pas son nom, avec espèce d'icounas et tout ça. Voilà, et tout est très étudié sur Canal+. Il n'y a pas de hasard. Et si on se livrait à une comparaison entre les chaînes, parce qu'on a souvent tendance à dire que TF1, c'est la pire des chaînes, la plus commerciale, etc. Toi, Xavier, la dernière fois, tu me disais qu'en réalité, peut-être que ce n'était pas vraiment le cas. Par exemple, typiquement, Jean-Pierre Pernaut. Ah bah, type sur qui tout le monde crache, Canal+, en particulier. Surtout Canal+. Qui est plutôt un type qui défend la France, qui défend les Français, qui défend les terroirs. Il s'est fait allumer cet été parce qu'il a posté sur Facebook des choses relatives à la crise grecque. Hein, on voyait l'Europe sodomiser un grec. Donc c'était plutôt assez drôle. Et là, on a vu toutes les bonnes âmes de la rigolade, d'adhérésion généralisée s'insurger contre Jean-Pierre Pernaut, qui est le facho, quoi. C'est vraiment le facho des médias. Ça fait 20 ans qu'il est la cible de tous les animateurs et chroniqueurs de Canal+. C'est le rebondeur, comme on dit. Celui sur qui on peut vanner tranquillement, sans aucun risque, parce qu'il représente, comme vous avez dit, Xavier, la France profonde, le terroir, les beaufs, le pinard, Les retraités, voilà la France du midi qui regarde la télé en mâchouillant sa côte de porc ou sa côte de cochon. Et ça, pour Canal+, ça indique quand même un créneau politique très précis. Alors Canal+ n'est jamais directement sioniste, je vais vous le dire de manière très franche. Par contre, les cibles, elles, sont toutes dirigées. Par exemple, une autre des cibles de Canal+, c'était, je parle en people, hein, je parle pas conceptuellement, Patrick Sébastien, qui représentait lui aussi une espèce de Gaulois. Voilà, Gaulois, avec le pinard, le rugby, la fesse, etc. Et surtout, il était populaire. Et ça n'est jamais passé. Et d'ailleurs, Bruno Gassio et Patrick Sébastien étaient longtemps ennemis. Ils se sont insultés copieusement de média à média pendant des années. Et c'est le petit journal qui a remplacé, en réalité, les guignols. Absolument, absolument. En étant beaucoup plus vicieux, puisque ça se fait... Indicatif. Voilà, et sous couvert d'informations. Les guignols n'avaient pas cette espèce d'obligation d'information, ce que le petit journal a. Et Yann Barthès, c'est du guignol 2.0, beaucoup plus futé, beaucoup plus malin, beaucoup plus efficace. Et Bernard-Henri Lévy ne tarait pas d'éloges sur Yann Barthès. Bien sûr, et d'ailleurs, les cibles du petit journal, là aussi, reprennent les cibles des guignols, parce que Canal, faut l'analyser en termes de cibles, et elles ont toujours été compatibles avec les cibles des sionistes. Deuxième actualité, France 2. Donc, Xavier, il y a une recomposition qui s'opère en ce moment à France 2. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bah, d'un côté, on en a parlé, Bolloré, dont on peut imaginer qu'il roule quand même pour Sarkozy. Il était au Fouquet's en 2007, donc pour Canal+. Et d'un autre côté, à France 2, alors là, c'est en ordre de bataille pour la présidentielle 2017, côté socialiste, avec la nomination de Ernotte. Voilà. Alors, c'est Delphine, je crois. Delphine Ernotte. Alors Delphine Ernotte, elle vient d'Orange. C'est pas elle qui est la pièce maîtresse du dispositif, disons. Au moins, elle a été nommée par l'intermédiaire de Julien Drey. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a nommé comme directeur de cabinet, alors qu'il n'y avait pas de directeur de cabinet à France Télévisions. C'est un poste ministériel, ça n'existe pas. Un poste a été créé pour Stéphane Cidbon. Alors les gens ne savent pas qui est Stéphane Cidbon. Stéphane Cidbon, c'est le type qui écrivait et qui était le bras droit de Cécile Duflot depuis 10 ans. Alors, c'est pas franchement un écologiste, parce que c'est plutôt ce qu'on appelle une pastèque, c'est-à-dire que c'est vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Il a commencé aux Jeunesses communistes révolutionnaires. Il a 28 ans. Il a 28 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il était debout sur une poubelle devant le lycée contre la loi Fillon avec un mégaphone. C'est vraiment le petit gauchiste sectaire. Et je sens une certaine animosité. Ah, ouais, moi aussi. Oh, oui. Assumé. Et donc c'est Denis Pingot, qui est proche de Fabius, lui aussi ancien de la LCR, qui a œuvré pour cette nomination. Les réseaux trotskistes. Oui, ben les réseaux trotskistes sont bien là. À France Télé. Ils ont toujours été là, ils sont jamais partis. Ils ont toujours été là, mais plus que jamais. Et qu'est-ce qu'on observe ? Qui vient d'être nommé président, à la direction de France 5 ? Michel Field. Oula ! Un commentaire ? Dimitri ? J'ai écouté le silence. Michel Field, c'est un baron de la télévision, c'est un baron de la télé. Il est passé partout, hein, TF1, Télé Public. Il a des amis partout. C'est un bon gars, un bon vivant qui aime la vie, l'amour, les femmes, et qui sera très très bien à ce poste. De toute façon, il remplace qui déjà à France 5 que je ne dise pas de bêtises. Jérôme Clément, non, Jérôme Clément, c'est pas là. En tout cas, Michel Field, bon, voilà, il est à sa place sur la chaîne du savoir et des documentaires. Alors, par ailleurs, à France 2, on a la nouvelle équipe de On n'est pas couché, qui est quand même la tranche stratégique, puisque c'est la tranche qui fait l'opinion, puis c'est ce qui a amené à faire le buzz, à avoir des rebonds sur Internet. On est quand même passé en 10 ans du duo Zemmour-Pollack, c'est-à-dire une gauche un peu impertinente et une droite, disons, de conviction souverainiste, à Moix Salamé, c'est-à-dire gauche... gauche libanaise. Gauche libanaise et gauche germanopratine, quoi. Et oui, c'est bien, c'est une évolution très parisienne et internationaliste. Je trouve ça merveilleux. En plus, ils sont beaux tous les deux. D'ailleurs, s'ils pouvaient me coucher ensemble, ça serait encore mieux pour les journaux people. Non, c'est vrai, politiquement, c'est triste. Mais voilà, l'émission a été dévitalisée doucement par France Télévisions. Je remarque une chose sur France 2, quand ils ont une émission qui marche, comme tout le monde en parle, Première Époque et On n'est pas couché Première Époque, hein, comme vous le soulignez, avec une paire de chroniqueurs assez, assez rentre-dedans, eh bien, ils finissent toujours par la dévitaliser. D'accord. Et est-ce que, par rapport à cette recomposition qu'on observe à Canal+ et à France 2, est-ce qu'on peut avoir une analyse globale de la situation dans les médias en France actuellement ? Est-ce qu'il y a du mouvement ? En fait, ça, je le disais tout à l'heure, c'est en vue des élections, donc c'est quelque chose, c'est un aléa électoral pour placer les armées un peu en marche. Mais globalement, la télévision reste un outil de propagande de masse qui est manipulé effectivement par un réseau pro-sioniste. J'ai pas dit ni juif ni sioniste, pro-sioniste, c'est pas pareil. Ça veut dire qu'on peut avoir des hommes à tous les niveaux, il y a peu de femmes, qui activent les manettes et qui savent très bien lesquelles activer et lesquelles ne pas toucher. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Après, les directions peuvent changer, mais l'outil, lui, le robinet à propagande reste le même. D'accord, très bien, on en reparlera tout à l'heure. Troisième actualité, Drahi. Donc la troisième grosse actu de cette rentrée médiatique, c'est la constitution de ce groupe de presse gigantesque, Dimitri, par Patrick Drahi, ce milliardaire israélien qui s'impose comme le plus gros mania des médias en France, avec un consortium qui regroupe Libération, L'Express, L'Expansion, I24 News, BFM TV et RMC. Xavier ? C'est un sujet qui va permettre de faire la transition avec votre livre. Mais pourquoi donc ? Voilà. Donc il a encore multiplié les acquisitions donc de câbles opérateurs aux États-Unis, c'est énorme. On en a déjà beaucoup parlé, c'est quasiment une pyramide de Ponzi. Même j'ai vu cette semaine l'œil du 20h, donc le 20h de France 2 qui a consacré un sujet en expliquant que ça ne pouvait pas tenir. Et alors ce qui est amusant, vous qui avez connu les médias mainstream, c'est comment vous expliquez que ces gens qui sont à 80% de gauche se retrouve à travailler pour quelqu'un qui incarne le capitalisme le plus prédateur et l'État d'Israël qui est l'État qui bafoue le plus les droits de l'homme. Je ne me l'explique pas, Xavier. Ça doit bien les faire chier quand même, non ? Quelque part. Oui, mais comme on dit, quand on lève pas les yeux quand on a les yeux dans la gamelle et on regarde pas qui vous sert la soupe. J'ai un exemple là-dessus. Je crois à Lyon, il y a un magazine lyonnais de bonne tenue, c'est un mensuel qui s'appelle Lyon Capital, et en fait il est tenu par un homme qui est proche de Jean-Marie Le Pen et qui possède une société très rentable, et le journal est de gauche plutôt, même vraiment, mais lui ne l'est pas. Voilà, donc tout est compatible en matière de libéralisme. Je dirais que de toute façon, la gauche a toujours servi la droite pour entuber les pauvres, donc c'est cohérent. Hein. Et les journalistes eux-mêmes préfèrent fermer les yeux sur les hiérarchies. Oui, alors sur Patrick Drahi, en plus, c'est assez caricatural. Et Bernard-Henri Lévy lui a remis en mars dernier, je ne sais pas si vous avez vu ça sur le site, sûrement, certainement, le prix Scopus de l'Université de Jérusalem. Il a prononcé un discours qui s'appelle Patrick Drahi, les Juifs et l'argent. Il rappelle d'ailleurs le livre de Jacques Attali là-dessus, hein, un livre assez courageux. Et alors, il a prononcé un discours, écoutez, Adolf Hitler aurait rien à redire à ce discours-là. je cite, « Citizen Drahi, régnant sur ce territoire sans limites ni frontières que nous assignent les technologies dont vous êtes l'industriel. Vous êtes aussi l'un de ces Jidiens que l'idéologie française réprouve depuis un siècle, mais dont nous avons cruellement besoin en ces temps de lourdeur indigène et d'étouffement chauvin. Vous êtes l'un de ces citoyens du monde, impossible à assigner à une souche, à enfermer dans une appartenance, à épuiser dans l'un de ces trois haines, le natal, le nationalisme, le naturel. » J'ai cru que c'était Nart ou Nebel, j'ai eu peur à la fin. Oui, ben voilà, c'est du BHL complètement relâché et décomplexé. Et puis alors, c'est mieux. Ensuite, il lui a parlé du Talmud, alors... il lui parle du Talmud, c'est cet outil très spécial qui a pour propriété, nous dit toujours le Talmud, la banalité, la neutralité, la convertibilité et la sécabilité. En anglais, il parle de l'argent. Qui s'appelle donc l'argent. Contre le talion, l'argent. Pour casser la machine à tuer, l'argent. Shalem payé pour réinstituer shalom, la paix. Telle est la dernière fonction éthique de l'argent. Là encore, l'argent ne produit pas la barbarie, il la contient, l'évite. Et à la lettre, l'économise. L'argent, comme instrument de cet embellissement du monde auquel le Midrash, dans un texte que j'ai commenté dans les gloses de mon hôtel Europe, nous dit qu'Edom, donc ça c'est nous, peut œuvrer quand il prend soin de ne pas oublier la part due à Jacob. Donc ça c'est Nanar de Babelwed. Mais Jacques Attali, je le répète, dit la même chose dans son livre sur les Juifs et l'argent, et il dit que voilà, les Juifs ont pour lui, hein, historiquement, on doit gagner de l'argent pour la générosité envers les frères humains, les pauvres, etc. Alors ça s'applique pas à la Palestine, mais dans les communautés juives, par exemple en Europe de l'Est, le riche ou celui qui s'était enrichi devait reverser une part importante de sa richesse à la communauté qui n'avait pas eu cette chance. Et puis s'enrichir pour accomplir ce commandement de la Kabbale, le Tikkun Olam, pour réparer le monde. Voilà, c'est ça, réparer le monde. Ouais. Ce que vous dites dans votre livre, en fait, page 38, au chapitre Argent Cacher, vous expliquez qu'en fait, cet amalgame juif et argent est entretenu en réalité par les juifs eux-mêmes dans les médias. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai relevé, j'en ai mis que 3%, j'ai relevé toutes les phrases que des juifs ou sionistes eux-mêmes dans les médias prononçaient avec. Au premier ou second ou troisième degré. Mais en tout cas, c'est pas la peine d'aller chercher des phrases de Goebbels. Elles sont toutes prononcées, voilà, ou quand... je crois que c'était justement... non, c'est Guillaume Durand qui interrogeait BHL sur sa fortune, estimée à plus de 100 millions d'euros. Ou Cyril Hanouna qui se moquait de la remise des parpaings de la télé sur Paris Première en disant ils n'ont pas de budget, en se moquant de la pauvreté de cette petite émission... presque subversive. Voilà, donc je relève ça avec humour, mais c'est pour dire que cet amalgame, on n'a pas besoin de le faire de l'extérieur. Chers auditeurs, après avoir parlé de cette rentrée médiatique, nous allons passer au cœur du sujet. Dimitri, nous allons maintenant aborder la question de votre livre. Alors avec Xavier, nous l'avons lu, donc... Moi, je le recommande aux auditeurs, vraiment, parce que c'est un livre passionnant. Je l'ai lu d'une traite. C'est une entreprise de démolition du système médiatique, appuyée par de nombreuses citations de personnalités médiatiques. Alors, Xavier, tu as lu toi aussi ce livre. Qu'est-ce que tu peux en dire ? J'ai une question à poser à Dimitri Coriès. Là. Le sionisme, c'est une maladie ? Non, c'est la maladie de la télévision, mais c'est pas une maladie en soi. C'est un projet politique qui est aussi louable que les autres. Je dirais que l'ultralibéralisme impérialiste américain qui travaille avec des tapis de bombes, ou l'hitlérisme, ou le stalinisme, et c'était 34, pardon. Le sionisme en soi ne fait pas de mal, on a le droit d'être sioniste, il n'y a pas d'interdiction. En revanche, ce que je dis, c'est que le sionisme à la télé démolit la télévision. En fait, mon livre n'est pas une entreprise de démolition de la télévision, c'est juste un regard un peu à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, et... la télé et le projet de la télévision, c'est-à-dire cette pédagogie de masse républicaine, a été détruit par le sionisme. Sinon, le sionisme en soi est tout à fait... Je le comprends, hein, je comprends qu'on puisse être sioniste. Mais la télévision, ça fait des dégâts. Vous dites en réalité qu'on n'attaque pas le sionisme dans les médias, comme par exemple le communisme a pu être protégé dans les médias dans l'après-guerre. Vous dites rien de plus ou vous dites quand même un peu plus ? Non, il n'est pas attaqué dans les médias. Les tuyaux ne s'attaquent pas eux-mêmes. Hein. Je crois que le sionisme ne se dit pas en médias ou en télévision, pour ne parler que du média le plus massique. Le sionisme ne se dit pas, il se découvre en creux. Voilà, par les cibles, par les attaques. Mais les militants sionistes vous diront que les médias français sont pro-palestiniens. Bien sûr, on peut entendre ça partout, on voit ça dès qu'il y a un débat autour de Charles Anderlin et sa vision des choses sur la Palestine. À chaque fois, il se prend des mais les médias et France 2. Or, France 2 ne fait que... Pour préciser, Charles Anderlin, donc correspondant à Jérusalem de France 2, qui c'est l'affaire Aldoura, je crois, voilà, de cet enfant qui s'était fait tuer sous les caméras et dont le lobby sioniste avait prétendu que c'était un montage. Vous parlez de ça dans votre livre, hein. Vous dites très clairement que sur le conflit israélo-palestinien, les médias ne peuvent pas être autant pro-israéliens qu'ils le voudraient, car ils se confrontent à un problème majeur. Les images parlent pour la Palestine. Et oui, il y a une citation qui est simple, qui n'est pas de moi, hein. Tout ça est dit et montré, en gros, globalement, dans les JT, on voit de manière écrasante, à 99%, on voit plus des pères palestiniens qui portent des enfants morts en hurlant dans des rues effondrées que la même chose en Israël. Je dis pas qu'il n'y a pas eu d'attentat ni de jet de pierre, mais en tout cas les images, elles ne peuvent pas mentir. Ensuite, les chroniqueurs et les rédacteurs en chef passent par-dessus pour, comme on dit, éditorialiser, c'est-à-dire préparer le terrain et le téléspectateur, mais les images restent. Et voilà. Et par contre, la parole, elle, je dirais qu'elle est sioniste globalement en télévision. Et vous pensez que la surabondance de documentaires et de sujets sur la Shoah est justement là pour contrebalancer les images qu'on peut voir sur la Palestine? On peut l'imaginer, il n'y a aucune preuve de ça. Par contre, lorsqu'on regarde toutes les émissions de flux et les JT, on constate qu'il y a effectivement totale surexposition de ce genre de documentaires, qui peuvent être d'ailleurs historiquement intéressants. Là, le problème, c'est le nombre. Qui n'est pas en rapport avec une actualité et qui, on peut l'imaginer, fait contrepoids à une image d'Israël plutôt désastreuse, on le voit dans le monde entier, hein, même à l'ONU, à cause de sa colonisation. D'ailleurs, pour ceux qui auraient un doute, on recommande à nos auditeurs de se reporter à la Minute de la Mémoire, réalisée par les équipes d'Égalité et Réconciliation, pour se convaincre de cette réalité. Chaque semaine, on peut en prendre des carottes, comme on dit en archéologie ou autre, et on trouvera, on peut trouver tous les jours même des allusions au nazisme et à la Shoah en télévision. On peut, et de manière démontrée. Alors moi j'ai une question, vous abordez pas ça dans votre livre, et ça m'a un peu étonné, c'est l'origine de cette sionisation des médias en France. D'où ça vient? Pourquoi on en est arrivé là? Parce que d'abord ce n'est pas factuel, on ne peut que le supposer, moi je suppose rien dedans. Je ramène en fait toutes ces expressions verbatim et interventions comme des faits, que je ne tronque pas. D'ailleurs, il n'y a aucune petite phrase qui a été tronquée pour essayer de coller au titre, etc. Il y a même des phrases qui font des pages entières ou des phrases d'intervention, comme celle de Arnaud Klarsfeld. Il y a toute une page où il s'exprime. Donc, tout ça est très factuel. Après, moi, je laisse aux spécialistes du sionisme le soin de comprendre l'origine de cette... c'est une véritable mainmise, oui, une appropriation de la télévision française, privée au public, par, je dirais, l'influence sioniste. Alors justement, vous expliquez la logique du réseau dans votre livre. Je vais vous citer, hein, page 62, parce que c'est très intéressant. Donc, je vous cite. « Ceci étant dit, il est un réseau extrêmement puissant par sa longévité, son influence, son invulnérabilité et aussi son agressivité. Le réseau des réseaux, basé sur une religion impénétrable, un soutien mutuel aveugle, une habileté tactique et un sens stratégique venant de loin. Il propulse le néo-entrant à un niveau que son talent personnel ne lui permettrait sans doute pas d'atteindre, lui faisant économiser des années d'expérience négative. La cooptation assure un surclassement qui court-circuite la durée normale d'une ascension sociale. Un tel réseau, arrimé au poste du pouvoir, c'est-à-dire de décision et d'information, garde pour ses protégés les voies balisées pour arriver au sommet, les autres voies abandonnées aux isolats humains dépourvus d'accélérateurs étant évidemment plus difficiles, plus lentes, plus dangereuses, et sans aucune garantie d'arriver en haut. L'entraide communautaire constitue une perversion de la solidarité au profit du semblable. Est-ce que ça, c'est pas justement ça, ces mécanismes-là, qui expliquent Oui, mais ce n'est pas particulier au sionisme. Alors, on sait tous que, de par son histoire, le peuple juif a des relations privilégiées intraspécifiques, ce qui explique le phénomène réseautaire beaucoup plus puissant que d'autres qui n'ont pas eu cette histoire, c'est-à-dire les diasporas, les ghettos, etc. Mais aujourd'hui, on pourrait dire, et je peux le dire, hein, qu'il y a un lobby homosexuel à la télévision, c'est pas une découverte. Voilà, il y a un lobby LGBT qui est en train de se montrer, d'exister, de prendre ses parts de pouvoir, à l'image du lobby sioniste. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait écrit Alain Soral il y a une dizaine d'années déjà, en parlant de compétition des victimaires des communautés, et on est en plein dedans, mais la télévision, elle... On voit évidemment à l'œuvre le lobby sioniste, mais il y en a d'autres, sauf qu'ils sont moins puissants. Et est-ce que ce mécanisme n'a pas une limite? Par exemple, la consanguinité, d'une part, la frustration des communautés nationales, d'autre part. Est-ce que finalement cette logique n'est pas vouée à l'échec? Alors justement, plus on monte et plus la pyramide se voit, plus elle est menacée par sa propre visibilité. Et alors qu'avant, ça fonctionnait mieux quand justement il y avait un côté occulte, mais quand les personnes aux commandes n'étaient pas visibles. Et puis, comme c'est écrit dedans, je l'ai écrit, je l'assume, la consanguinité, mais c'est une consanguinité, en fait, évidemment, communautaire ou conceptuelle, c'est pas une consanguinité sexuelle, etc. Mais quand on voit, et sans faire de jeu de mots un peu morbide, quand on voit Cyril Hanouna à ce niveau, ou même Arthur, qui n'a pas de qualité, je dirais, exceptionnelle, devenir un des hommes les plus riches de la télévision, ou Cyril Hanouna devenir l'animateur numéro 1 qui battait régulièrement le grand journal de Denisot, etc., on peut se poser des questions. Alors, sur Arthur, c'est pas un abruti, Arthur. Arthur, il faut savoir, peu de gens le savent, que une coupure qui est parue dans le Nouvel Obs il y a peut-être 15 ans, qui indiquait que Arthur a supervisé la réédition française du Talmud chez Ramsay. Donc Arthur, c'est pas le dernier des abrutis. Ah bah je retire ce que j'ai dit alors. Voilà. Il faut savoir s'il te plaît. Oui, factuel. Il faut savoir que Arthur était écarté des réunions dans Demol France. Et d'ailleurs, il s'en plaignait parce que quand on passait aux choses sérieuses, c'était Stéphane Courby qui lui avait la main sur les grandes décisions. Et Arthur était considéré comme un clown à côté et la porte se fermait. Voilà. Mais la revente des parts de sa société de production à Endemol lui a rapporté, je crois, 180 millions d'euros. Voilà, donc là, on est dans des proportions effectivement très étonnantes par rapport à un talent qui est somme toute plutôt normal ou moyen en télévision. Alors, dans votre livre, vous revenez sur la diabolisation orchestrée par les médias sur les musulmans, les chrétiens, les antisionistes, dans une stratégie que vous qualifiez de stratégie de la tension. Et face à cela, vous préconisez la défense des intérêts goy. Vous parlez même de goyisme. Non, c'est une boutade. En fait, le goyisme n'existe pas. Le lobby goy n'existe pas et n'existera jamais. La seule chose qui peut exister, et qu'on ne peut plus appeler lobby parce que c'est visible et que ça devrait être la norme, c'est le sens un peu républicain. Mais je parle de république au sens noble du terme. Je sais que ça peut heurter certains. La république, c'est juste rien entre l'individu et la communauté nationale. Pas de sous-groupe qui détourne ou mange un morceau du trésor national ou de l'influence pour leur propre intérêt. Et voilà, c'est la République, c'est dans le sens anti-lobby. Le goyisme n'existe pas parce que justement, ces sous-groupes de pression ou de tension ont mis la main sur les moyens, là en l'occurrence, d'information. Et il est donc très difficile d'envisager, par exemple, une télé républicaine qui s'adressera à tous avec respect. C'est pas le cas. Les chrétiens, les catholiques, comme j'ai dit tout à l'heure, au guignol de Canal+, il fallait écrire des sketchs sur le pape, contre le pape. Je pisse sur le pape et sa papa mobile. Tout était dans ce domaine prétexte à voilà, catophobie. Et ça ne devrait pas exister. Et pourtant, c'est bien la République, la toute jeune République, par la voix de Robespierre, qui a voulu l'émancipation de la communauté juive. Oui, pour des raisons, je dirais, de véritable démocratie. Après, la communauté juive aurait dû se fondre dans la population française, ce qui n'a pas été le cas. Même s'il y a eu de l'assimilation, si on connaît un peu l'histoire du peuple juif en France, ou de la communauté juive en France, on sait que ils ont pris effectivement cette liberté qu'on leur tendait, mais ils ont conservé, je dirais, un aspect communautaire qui était contre les idéaux de la République, qui allait contre ces idéaux. Alors il y a eu un aspect aussi structurant dans la vie de la communauté juive en France depuis lors, c'est cette fameuse affaire Dreyfus, dont on a l'impression qu'on n'est jamais sorti en vérité. La France n'est jamais sortie de l'affaire Dreyfus. Maurras, lors de son procès, dit que c'est, en 1945, dit que c'est la revanche de Dreyfus. Et là, on a l'impression que c'est la troisième manche avec le sujet avec lequel vous débutez le livre, c'est l'affaire Dieudonné. Oui. C'est une affaire Dreyfus à l'envers, mais c'est toujours une affaire Dreyfus. Et c'est toujours le sionisme qui monte au créneau à travers ses représentants non officiels. Je voulais dire d'ailleurs à ce propos que les choses seraient plus simples en France s'il y avait un parti sioniste. Et il n'y aurait pas tous ces fantasmes autour du pouvoir occulte, des noms cités comme Tariq Ramadan qui avait eu le malheur de parler un jour d'intellectuels juifs, on lui a reproché, alors que Finkielkraut lui-même et BHL utilisaient la même expression. Donc on finit par devenir schizophrène. Les choses devraient être beaucoup plus nettes. Un parti sioniste, allons-y, avec un programme, des avancées, une influence, pourquoi pas, comme tout parti, plutôt que ce tirage de ficelle malsain dans l'ombre, puis qui fait chier tout le monde. Vraiment, en France, ça fait chier tout le monde. Dans votre livre, vous dites que l'étiquette infamante d'extrême droite ne fonctionne plus. Ça m'a un peu étonné, parce que c'est un diagnostic quand même assez hardi. Ouais. Parce que plus loin dans votre livre, vous parlez justement de l'union sacrée contre l'antisémitisme qui se déclenche régulièrement à différentes occasions, meurtre d'Ilan Halimi, affaire Dieudonné. L'union sacrée de façade. Hein. Oui. Quand il y a eu la manifestation en 2006, l'appel à la manifestation par toutes les télés, toutes les radios, toute la presse, il y a eu 35 000 personnes à Paris, chiffre de la police. Et ils attendaient 200 000, 500 000 personnes. Alors il y a eu cette manifestation après pour Charlie Hebdo, mais en l'occurrence, le battage médiatique n'a pas réussi à réunir plus de 35 000 personnes à Paris, alors que le battage était énorme. Et l'égité était consacré à 100% à cette affaire. Voilà, ça veut dire que il y a des gens qui en ont marre, hein, qu'on les prenne pour des jambons et qu'on leur dise voilà quoi penser. Et Dieudonné s'est élevé contre ça avec beaucoup de courage. Et aujourd'hui, après avoir été sali, traité de tous les noms, de nazi pour un noir, ce qui est assez rigolo. Il est toujours debout, j'espère pour longtemps, et parce qu'il incarne quelque chose de très français, de très républicain, de très gaulois, de résistant à une idéologie dominante qui est malsaine pour la République, pour les communautés françaises unies, pour le vrai vivre ensemble. Le vrai, alors ceux d'ailleurs qui évoquent ou qui invoquent régulièrement le vivre ensemble ne vont pas vraiment dans ce sens. En plus, il y a eu quand même une droitisation assez extrême. C'est-à-dire que quand on était dans les années 80, on appelle la gauche caviar, en fait, c'est ça. Ouais. C'est ce que Raymond Barre appelle le lobby juif lié à la gauche. Oui. Or, aujourd'hui, ces gens-là continuent à être de gauche à Paris, alors que, comme dirait Zemmour, c'est Barrès à Jérusalem. Et c'est cette différence-là, c'est cet écart-là, qui est de plus en plus visible et qui rend cette domination que vous dénoncez insupportable. Voilà, et le pouvoir de droite qui n'a jamais changé, et des paroles de gauche qui deviennent de plus en plus farfelues, c'est grotesque. Le pays emprunte une route politique et le discours en emprunte une autre, et les gens vivent dans une schizophrénie, et il faut que ça s'arrête un jour. Les types soutiennent Sharon, soutiennent Netanyahou, et nous demandent d'accueillir les migrants. Oui. Aujourd'hui, on en est là. Voilà, avec des contradictions. Mais quand on subit ce genre de contradictions médiatiquement et informationnellement, on préfère en rire parce que à notre niveau, on n'a pas le pouvoir de changer ça directement. Hein, donc, comme on est adepte de la non-violence ou pas adepte de la violence, on réagit par l'information et par l'humour, et c'est ce qui nous reste. C'est pour ça qu'on utilise le canal Internet, la radio. Autoproduite pour faire passer ces messages. Vous, dans votre livre, page 158, vous exhumez une interview de BHL qui m'a paru absolument éclairante. Moi, je n'avais pas connaissance de ça. Hein. Donc, je vous cite, vous citez BHL dans votre livre. D'abord, je suis pour décrédibiliser un peu l'idée de nation. Alors ça, franchement, je trouve que cette idée a fait tant de mal, qu'elle a nourri tant de guerres, qu'elle a alimenté tant de haine. Ce fétiche national, cette façon qu'ont les gens de se mettre depuis des siècles au garde-à-vous derrière leur drapeau, cette façon qu'on a de leur faire faire n'importe quoi, de les envoyer aux pires boucheries au nom du nationalisme, fait que si on peut en effet réduire un peu le caquet aux coqs gaulois et aux coqs nationaux en général, ça me paraît être assez salubre. Il a dit ça dans Semaine Critique, France 2, le 10 décembre 2010. Moi, je trouve cette citation absolument exceptionnelle de clarté. Hein. Oui, il est merveilleux, lui aussi, en tant que schizophrène. Il pourrait regarder aussi de ce qui se passe en Israël. Hein, et son patriotisme pro-israélien en prendra un coup dans l'aile. Là, il ne parle que du coq. Cela dit, il a une vraie constance. C'est-à-dire qu'il dit ça depuis 30 ans, c'est l'idéologie française. Et à ce propos, je voudrais parler d'un autre sujet. Juste une chose, oui. Il a le droit de dire ça, mais dans ce cas, qu'il ne mette pas Israël devant la France. Voilà, son patriotisme israélien est autorisé, comme le sont les patriotismes américains et israéliens en France, mais les autres sont interdits. Voilà, on se pose des questions. Russes, français, allemands, ils sont tous dévalorisés, interdits. Voilà, pourquoi le patriotisme, je veux bien que tout le monde l'arase, l'extermine, l'écrase, l'oublie, mais tout le monde ou personne. La France, c'est Vichy pour Bernard-Henri Lévy. Absolument. D'ailleurs, cette question-là s'est accentuée à mesure que s'accentuait parallèlement le soutien à Israël. C'est-à-dire que plus on a observé dans les médias un soutien inconditionnel à Israël, puisque c'est l'expression consacrée, plus on a observé une France réduite à deux sujets, la guerre d'Algérie et Vichy. C'est-à-dire les Français ont fait comme les nazis en Algérie et les Français ont collaboré avec les nazis à Vichy. Et en plus, l'idéologie hitlérienne, c'est ça qui est expliqué dans l'idéologie française, vient de Drummond, vient de Gobineau. Et les racines malsaines de l'idéologie française. Malsaines. Qui, en fait, le nazisme, c'est la France. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est, la Shoah, c'est la France. Les déportations, c'est la France. D'ailleurs, Zemmour a été un peu ostracisé sujet-là. C'est que sur ce sujet-là qu'il est ostracisé. Oui, non, mais je vais en parler parce que c'est exactement le thème de son livre qui a fait un carton, et à juste titre d'ailleurs. Et il a abordé avec courage cette espèce d'entreprise de diabolisation de la France par BHL. Il ne le cite pas toujours, mais c'est lui qui est à l'origine de ça, entre autres. Et en tout cas, qu'il l'incarne en France dans les médias. Et je trouve qu'il a très très bien déconstruit ce discours dans son livre, Le suicide français. Alors moi, il y a une question que je me pose souvent en moi-même. C'est est-ce qu'ils y croient à leur discours ou est-ce qu'ils sont conscients que d'ailleurs ma question. Non, si, mais elle est claire. Je pense qu'il y a deux niveaux. Je pense qu'il y a des gens qui sont primaires et d'autres qui sont beaucoup plus malins. Et je pense qu'il y a une communauté dans la communauté juive. Il y a une partie sioniste organisée, influente, qui fonctionne. On le voit. On l'a vu d'ailleurs le fameux jour où il y a eu le. On a vu sur BFM TV défiler tout ce que le lobby sioniste comptait de symboles médiatiques pour aller conspuer Dieudonné et l'empêcher de se produire, je crois, à côté de Nantes. Et ce jour-là, on a vu, il y a une page entière, je crois, du livre dessus, on a vu le lobby sioniste français en action sur le plateau de BFM TV. Ils y sont tous passés au courant de la journée. Et j'ai noté toutes les minutes, toutes les heures, les temps de passage des gens, de Arnaud Klarsfeld à Kuka, et ça a fini le soir par BHL, et voilà, et tout est là. Alors tu demandais, Vincent, s'ils y croient, mais c'est aussi, plus cyniquement, une façon de monter. C'est-à-dire que Alain Finkielkraut, qui ne parle pratiquement plus que d'Israël et de la Shoah, c'est ça son identité malheureuse, il est quand même devenu académicien, alors que il n'a pas une œuvre qui justifie ce statut. Bon, après, on peut critiquer les CV des académiciens. Hein. Certains sont brillants, d'autres le sont moins. Finkielkraut s'exprime très bien. Il a une émission sur France Culture. Hein. Si on l'écoute, il parle très bien. Il détache bien les lettres, les mots. Mais c'est vrai qu'il revient toujours un peu sur son sujet de prédilection. Mais pour répondre à Vincent, Lorsqu'on regarde les réactions de juifs sur leurs propres médias sur Internet, beaucoup sont très remontés contre l'antisionisme, etc. Eux, je pense, le vivent avec leur corps et leur cœur. Mais je pense que beaucoup sont victimes de choix politiques dangereux de la part des dirigeants de leur communauté. Et pour ceux qui ont un peu d'histoire, les dirigeants, ce qu'on appelle le Kahal ou le Kehalim, je crois, des communautés juives qui étaient enfermées dans des ghettos un peu dans tous les pays d'Europe au cours des siècles, ont toujours eu une attitude très dangereuse vis-à-vis de leur propre communauté qu'ils maintenaient dans l'ignorance et dans l'exclusion par rapport aux sociétés qui les hébergeaient. Et donc ce sont eux-mêmes les dirigeants qui créaient ces hauts murs pour pouvoir conserver le pouvoir sur leur propre communauté. Là, il y a danger. Alors moi, je voudrais parler un peu de prospective de l'avenir. Qu'est-ce que, face à ce diagnostic, ce constat que vous faites dans votre livre, hein, qui est assez alarmant, qu'est-ce qu'on peut faire en réalité, qu'est-ce que la communauté française peut faire pour reprendre la main sur cette arme ? Il y a deux solutions. Que sont les médias ? Voilà, que la télévision en premier lieu, qui aurait dû être, moi je l'ai dit, l'outil de la pédagogie pour le peuple, parce qu'elle n'a jamais été, ou pas longtemps, avec des émissions débiles pour les enfants. Mais alors il y a des gens qui ont trouvé, on voit ça souvent dans les commentaires sur Égalité et Réconciliation, qui disent « moi je ne regarde plus la télé, très bien ». Mais ça veut dire vous abandonnez l'outil de pouvoir ou d'influence numéro un. Pourquoi pas ? Mais la fatalité, c'est la politique des autres. On peut abandonner l'outil télévision, on peut aussi montrer comment il fonctionne pour essayer, non pas de le reprendre comme le pouvoir avec des fourches et des piques, mais en tout cas le bien diagnostiquer pour ensuite saisir les moyens de lui appliquer une information nouvelle et d'essayer de l'attaquer, mais informationnellement. Et c'est ce que j'essaye de faire avec ce livre, sans agressivité, et pour que beaucoup de gens qui n'ont pas conscience se rendent compte que l'outil ne doit pas être abandonné, et seule l'information et la contre-information, ou en tout cas le débat, ce que j'attends, pourront faire évoluer les choses. Parce que ce qui se passe à la télévision, cette captation d'un outil public, quasiment que les télés soient privées au public, on s'en fiche, mais c'est un outil qui devrait être public et qui l'est, de fait, est vraiment dangereuse pour la communauté nationale. Cette captation est dangereuse, cette privatisation, en fait, la télé est privatisée. Je ne parle pas de TF1 ou de M6, elle est totalement privatisée dans les mains effectivement, d'une communauté quasiment. Et s'il y a encore quelques petits jets ou petites fusions de paroles antisionistes qui passent, c'est vraiment de manière très aléatoire, incongrue, ou alors dans des directs mal contrôlés. Mais parfois aussi, ça justifie justement le retour de bâton. D'ailleurs, il y a moins en moins de directs. Justement. La télé est de plus en plus sous contrôle, les émissions en direct, lorsqu'elles le sont, comme par exemple celle aujourd'hui de Ruquier, qui fait de temps en temps des directs, et bien déjà, on vire Nolo et Zemmour, histoire de ne pas avoir d'attaque d'invités ou de BHL perturbés sur sa chaise. Donc le contrôle se voit de cette façon. Mais la télé, de toute façon, va vers sa mort. Et on le voit, les audiences baissent, tout se casse la gueule, les jeunes, les 15-25 ne la regardent plus du tout. Donc TF1 est à vendre depuis un certain temps, ça marche pas. France 2, France Télévisions est en déficit chronique, Radio France aussi, on peut parler de la radio. D'ailleurs, je prépare un livre là-dessus aussi sur la radio. Donc ça va vers le gouffre. Et en creux, vous parlez d'Internet ? Qui est cet espace de liberté nouveau qui nous est laissé temporairement au moins à la mouvance, à ceux qui sont contre le système. Est-ce que vous pensez que ça va... Rejeté par le système, sans être contre. Est-ce que vous pensez que ça va durer, ça ? Alors ça c'est comme quand on demande avant un match de foot, à ton avis, il y aura combien ? aucune idée, ça peut faire 3-0 à la mi-temps, ou 4-4, ou 2-2. Ils sont quand même en train d'essayer de reprendre en main Internet, à travers des lois. Oui, ils tuent la télé, et d'un autre côté, ils reprennent le net en main, et s'ils continuent comme pour la télévision de la même façon, ils tueront le net. Mais je pense que si on prive quelqu'un de la parole, alors là c'est le geste qui prend le... voilà, donc si on voit bien que les gens qui ne savent pas verbaliser s'expriment autrement, et la violence c'est un problème de verbalisation. Et c'est pas une menace, ça c'est une réalité sociologique. Vous pensez que les activités d'Alain Soral d'Égalité et Réconciliation sont observées au plus haut lieu dans le monde de la télé. Ça fascine, ça... Comment tout ça est perçu ? Non seulement dans la télé, mais dans toute la presse. Je vois le magazine Causeur, qui est très bien fait par ailleurs. Hein, et Causeur s'empare des thèmes qui fonctionnent sur égalité et réconciliation. Je le dis parce qu'il y a une véritable... Il y a un parallèle absolu. D'ailleurs, c'est drôle, mais c'est traité à la manière de Causeur, c'est-à-dire, c'est-à-dire sioniste... Néo-conservateur. Voilà, sioniste de droite, intelligent, patriote. Voilà, ça, il y a une certaine évolution. Et je pense quand même que l'influence d'égalité et réconciliation contribue... à mettre au cœur du débat des thèmes qui ne l'étaient pas. C'est bien de parler du sionisme. C'est courageux, mais c'est réel. C'est une réalité. Moi, j'ai jamais été anti-sioniste. J'ai fait un livre là-dessus. C'est sous mes yeux du matin au soir à la télévision. Alors, au bout d'un moment, on coupe sa télé parce qu'on n'en peut plus. Mais le fait est là. Et je crois qu'à égalité et réconciliation, il y a un vrai courage des débats qui sont exhumés, qui ont été enterrés depuis des décennies. Et qui font respirer beaucoup de Français, et même si il y a toujours un peu la peur, le doigt qui tremble quand on clique sur ces liens, parce qu'il y a eu tellement de diabolisation du site et tout ça, Hitler, le diable et tout, non, pas du tout, ce sont des gens qui s'informent tout seuls, de manière souvent brillante et organisée, je trouve ça très bien. Alors vous avez d'ailleurs un chapitre sur Adolf Hitler dans le livre, et c'est vrai qu'il y a une surprésence d'Adolf Hitler à la télé. Ah mais oui, mais c'est merveilleux. On pourrait être sous Hitler, ça serait pareil. Mais Hitler, voilà, en tant que figure démoniaque du mal, avec des... D'ailleurs, il y a des verbatims très drôles d'émiateurs de télé sur Hitler, en expliquant bien aux enfants qui sont les téléspectateurs que Hitler est le mal absolu. Et donc, aujourd'hui, ça fait rire. Hélas, ça fait rire. Alors Hitler, évidemment, n'était pas un poète, mais les gens de la télévision... sous influence sioniste, en ont fait un repoussoir de pacotille. Ça devient un espèce de feuilleton. La dernière fois, je regarde, je tombe sur un truc, le fils français d'Hitler. Alors, c'était Hitler qui avait une histoire avec une Française pendant la Première Guerre mondiale. Et alors, le type s'appelait Jean-Marie Hitler. Aïe, aïe, aïe. Alors, tu sais, c'est la totale. Prénom maudit pour l'éternité. D'ailleurs, vous parlez de la diabolisation de Jean-Marie Le Pen, que vous attribuez en partie au lobby sioniste. Il l'attribue lui-même, il l'a dit nettement. Jean-Michel Apathy, qui n'est quand même pas un marxiste bolchevique subversif, l'a admis lui-même en plateau au Grand Journal devant Jean-Marie Le Pen en lui disant que c'était sa petite phrase sur les chambres à gaz qui avait mis un terme à sa carrière politique et à sa montée vers les sommets. La diabolisation de Jean-Marie Le Pen, c'est tout simplement du racisme anti-français. Mais on en a parlé tout à l'heure avec Patrick Sébastien, avec Jean-Pierre Pernaut. C'est la même veine. Les cibles sont systématiquement les mêmes. C'est le même filon du beauf. Et l'acteur qui incarne ça, c'est Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, oui. Il a réussi parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour incarner ce Français. Le petit Français moyen qui fuit sur les routes de l'Exode avec sa calvitie et son bon cœur, mais en même temps, il est un petit peu antisémite, mais il cache un enfant juif. Voilà, il y a... C'est le bon petit Français de base, le couillon de Goy qu'il fallait, vous voyez, symboliser au cinéma. Mais en tout cas, Jean-Marie Le Pen, lui, a mis le doigt avant Dieudonné, hein, quand même 20 ans avant. Dieudonné, ça date de 2004. Jean-Marie Le Pen, ça date de 1984. Le point de détail. Oui, le point de détail, oui, mais déjà, c'est à partir de 84 que la télévision l'a utilisé comme repoussoir. Oui, parce que les émissions politiques de France 2 ou Antenne 2 à l'époque se cassaient la gueule, tout le monde se faisait chier. Je suis désolé d'utiliser ce terme, hein, c'est quand même ça. Les audiences étaient ras des pâquerettes, et donc ils ont introduit... Et ça a été un jeu subtil et machiavélique de Mitterrand aussi. C'est-à-dire que ça a été l'invitation de Jean-Marie Le Pen, et ensuite ça a été l'affaire de Carpentras, où là on a un espèce de jeu à deux entre le CRIF, qui est à l'époque dirigé par Théo Klein, il me semble, et l'Élysée, de réciprocité. C'est un montage où tout le monde est gagnant. D'échange de bons procédés. Voilà, mais tout le monde a gagné. Hein. Le Pen est passé de X% à 15%. Divisé la droite. Voilà, la droite s'est cassée en deux. Mitterrand a été réélu en 88. Et puis le CRIF a gagné une influence qu'il n'avait pas à l'époque. Mais aujourd'hui, il a une influence considérable. C'est le ministère de la Justice. Hein. C'est Jakubowicz plutôt, je dirais. À un moment, il a été télévisé, le dîner du CRIF. le dîner du CRIF a été télévisé et au bout d'un moment ils se sont rendus compte qu'il fallait arrêter le... Mais il y a eu une année, il y a eu une année ou deux où ça passait même en prime sur BFM, c'est-à-dire que c'était l'événement politico-mondain parisien, tout Paris y est. Alors il y avait les journalistes, les machins, ils interviewaient les gens et ainsi de suite. Puis bon, au bout de deux ans, ils ont arrêté complètement. Alors après, c'est repassé sur Public Sénat, puis ça a complètement disparu. Voilà, puis Public Sénat, peu de gens la regardent. Et c'est pour ça que je parlais de visibilité. La visibilité, dans le cas d'un pouvoir occulte ou d'une influence non officielle, c'est-à-dire pas inscrite en termes républicains comme dans un parti, il n'y a pas de partitionniste. Faites un partitionniste, les choses seront plus claires. Et cette visibilité, elle est effectivement mortelle. Et puis, ça se joue aussi sur les titres qui sont donnés. C'est-à-dire, quand un intervenant passe à la télévision, il y a toujours un bandeau en dessous qui décrit son statut. Or, il n'est jamais écrit « Alain Finkielkraut, ami du CRIF »,« Elisabeth Lévy, ami du CRIF ». Il y a marqué « Elisabeth Lévy, animatrice de causeur »,« Alain Finkielkraut, agrégé de lettres, philosophe et membre de l'Académie française ». Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que le titre est quelque chose d'absolument central aussi pour comprendre comment ça passe. C'est pour ça que certains, alors là pour le coup, certains anti-sionistes, j'ai failli dire anti-sémites, oh là là, ont un jour établi qu'il y avait en France une structure de pouvoir non pas parallèle, mais structurelle, qui elle n'est pas conjoncturelle, donc était tout le temps là, avec Attali à l'économie, BHL aux affaires étrangères, Minc à l'économie, et donc chacun avait son poste, ils étaient tout le temps là, par contre ce sont les ministres qui changent, mais eux restent. Voilà, donc on peut y voir ce qu'on appelle un cabinet noir en politique, qui est là depuis 30 ans, et qui commande. Et pour compléter ce que vous dites, Jean Veil, qui est le fils de Simone Veil, donc Simone Veil qui dirige la Fondation pour la mémoire de la Shoah, est le président du Club Le Siècle. Donc c'est-à-dire que qui donne l'invitation pour aller dans le dîner qui réunit le Gotha, c'est-à-dire que là on n'est pas à Canal+, culture au mondain, ainsi de suite. Non, là, c'est le Gotha, finance, les affaires, et ainsi de suite. C'est le pouvoir, le vrai pouvoir. C'est pas seulement la visibilité. Le système médiatico-politique. C'est Jean Veil qui décide qui est invité. Oui, il y a une cooptation assez très sélective. Dimitri Gorias, je rappelle à nos auditeurs que votre livre s'intitule « La télévision malade du sionisme » paru aux éditions Contre-Culture et disponible donc sur le site contreculture.com. Dimitri, merci beaucoup pour cette interview très intéressante. C'est moi qui vous remercie. Avant de mourir, je voulais... Voilà, c'était très courageux à vous. C'était la dernière émission. La dernière émission pour vous, pour nous aussi peut-être. Non, c'est bien, il faut mourir pour quelque chose. Il y a un tas de gens qui meurent pour rien, mais crever pour quelque chose. Exactement. Je rappellerai à nos auditeurs qu'ils peuvent bien sûr réagir sur le site d'Égalité Réconciliation en commentaire. Et j'annonce d'ores et déjà l'émission suivante, donc Pierre Debras, que nous recevrons le 28 septembre. Nous parlerons du Cercle Proudhon. Oui, Dimitri. Très intéressant le Cercle Proudhon. D'ailleurs, j'ai lu une première partie de son ouvrage. Et ça a presque 100 ans, c'est très actuel en fait. L'espèce de réunion entre les royalistes, les vrais gauchistes de l'époque, des années 30, etc. C'est un thème... Il a exhumé une idée politique très moderne. D'accord, eh bien écoutez, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous pour cette émission donc, du 28 septembre. Et nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Frank De Weer. Le morceau s'appelle « Ils ont » et est tiré de l'album « Mes semblables ». Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Désolé pour les dérapages. Ils ont la palme, ils ont la Bentley. Ils ont le charme, ils sont nominés. Ils ont les costards bien ajustés. Ils ont les dents et ils ont le nez. Ils ont la carrure, ils ont les épaules. Ils ont la signature et la visa gold. Ils ont le champagne et la répartie. Ils ont la montagne et ils ont le ski. Ils ont le cash et ils ont le ranch. Ils ont le H et ils ont la blanche. Ils ont le clown en cas de décès. Ils ont l'organe cryogénisé. Ils ont une arme et le cran de sûreté. Ils ont l'alarme et le code secret. Il a la panne mais qui n'en a pas. Elle a l'orgasme, le prof de yoga. We'll be right back.